Vous êtes bien sur l'émission Angle d'attaque. Il faut la lancer maintenant, l'émission. Christian, peut-être vous pouvez vous présenter pour attendre que l'invité, bah, Christian. Qui est l'invité ? Bien, je peux commencer là maintenant ? Allons-y alors. Bonjour, contrairement à ce qui vient d'être dit dans le jingle, nous ne sommes pas le troisième samedi du mois, mais bien le cinquième, et oui, c'est comme ça. On a tellement de choses à vous dire que nous squattons tous les cinquièmes samedis du mois quand il y en a un. Bienvenue donc à Angle d'Attaque, une émission proposée par Attaque Métropole, Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour vous servir, de nouveau Jean-Jacques, qui nous fait le plaisir d'être aux manettes. On l'écoute au Passo Rouge tous les lundis soirs à 19h. Quentin l'ingénieur, René Lascience et même Christian seront les intervieweurs du jour. Jean-Jacques aussi, si tu veux, bien sûr, poser des questions. Volontiers. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? De la dette publique. Rien que ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce thème est débattu. Ne comptez pas pour moi pour dire que c'est un thème à la mode. En avril, un dossier d'alternative économique qui se nomme « Vive la dette ». En juin, un long article du Monde, pas toujours simple, « L'annuler ou pas, quand la dette fissure la gauche » de Renaud Lambert. On va y revenir certainement. Donc, des questions fort importantes. Et puis, je dirais surtout, un bouquin achevé d'imprimer en janvier de cette année, « La dette publique », un précis d'économie qui porte bien son nom. C'est vrai, on a besoin de bouquins d'économie citoyenne, comme il est précisé, et nous le devons à 5 économistes atterrés. Et nous, à Angle d'Attaque, nous recevons l'un d'eux. C'est dire si vous êtes gâtés, chers auditeurs et auditrices, nous recevons aujourd'hui Arthur Jatteau. Bonjour. Arthur Jatteau est en ligne. On vous entend, c'est super. Voilà. Donc, bonjour Arthur. Bonjour. J'ai le plaisir de vous apprendre que vous êtes le quatrième économiste de la fac de Sciences Éco que nous accueillons au micro après Jean Gadret, Laurent Cordonnier et Florence Yannicatrice. Allô ? Ça me met la pression. C'est ça, ça me met la pression, oui. Non. Mettez-vous plus proche du téléphone, s'il vous plaît. On l'entendra D'accord. mieux que ça. Quand même, les économistes atterrés, là, on en a reçu plus que ça. On en a reçu, on va augmenter la pression, on en a reçu 7 déjà, d'économistes atterrés. Ah oui, c'est bien. Mais quand même, dites-nous quand même un mot pour nos auditeurs et auditrices. D'économistes atterrés, c'est quoi ? Être économiste atterré, c'est refuser la vision dominante de l'économie telle qu'elle est promulguée aujourd'hui par des économistes, telle qu'elle est promulguée aujourd'hui dans les médias. Hein, les économistes atterrés, c'est un collectif d'économistes qui a été créé il y a une dizaine d'années dans la foulée de la crise de 2008. À la suite de la crise de 2008, qui est extrêmement profonde, extrêmement violente, on aurait pu penser que la façon de voir l'économie, les politiques économiques, les réformes économiques auraient tiré des leçons de cette crise de 2008. Et un certain nombre d'économistes se sont rendus compte que malheureusement, ça n'a pas été le cas et qu'on retombait dans les mêmes travers. Donc nous, économistes atterrés, depuis une dizaine d'années, on essaie d'éclairer le débat économique pour montrer qu'il y a d'autres voies possibles, pour montrer que une alternative existe au néolibéralisme, comme on l'a fait là dernièrement autour de la dette publique. Entendu. Merci. Et puis quelques bouquins comme le manifeste au démarrage, et puis un autre manifeste, et un bouquin sur la monnaie également, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà, on essaie d'intervenir sur un certain nombre de thèmes pour vraiment présenter des analyses discordantes et montrer que une autre économie est possible que celle qui est le plus souvent mise en place en France ou même en Europe. Bien, ben merci de cette précision, c'était quand même utile pour tout le monde. Une première question de Quentin, une question qui est déterminante pour bien comprendre la suite, Quentin. Oui, c'est ça. On voulait, pour les auditeurs et auditrices, commencer avec un peu de vulgarisation sur c'est quoi la différence fondamentale entre ce qu'on appelle la dette publique, la dette des États et la dette des ménages, la dette que n'importe qui va contracter en allant à la banque. Ben c'est une très bonne question, et comme vous le dites, elle est déterminante pour comprendre tout le débat autour de la dette publique. Alors, une dette, c'est quand on doit de l'argent à quelqu'un, à une institution, à une banque, voilà. Donc les États peuvent être endettés, les particuliers peuvent être endettés, les entreprises peuvent être endettées, tous les agents économiques peuvent être endettés. Donc ça, c'est la définition de la dette elle-même n'est pas modifiée que l'on considère l'État ou que l'on considère les particuliers. La dette publique, c'est la dette plus... Alors on dit souvent que c'est la dette de l'État, mais... C'est la dette de toutes les administrations publiques, donc l'État quand on construit des écoles, mais aussi la sécurité sociale, aussi les mairies, etc. Donc c'est l'État au sens large, la dette publique. Donc l'État, pour construire une école, il peut emprunter de l'argent pour la construire, donc il s'endette. Donc on fait de la dette publique, par exemple, pour construire une école ou un hôpital. Quand on veut acheter une voiture, on peut également, quand on est un particulier, faire un emprunt pour financer l'achat de cette voiture, et donc on s'endette. Ça, c'est de la dette privée. Bon. Donc, là, on voit bien qu'il y a un point commun entre la dette publique et la dette privée. Hein. On doit de l'argent. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a quand même des différences fondamentales entre la dette des ménages et des entreprises d'un côté, les dettes privées, des personnes privées, et la dette publique de l'autre. Il y a vraiment des différences fondamentales dont l'implication majeure, et je vais l'expliciter, est qu'on ne peut pas considérer la dette publique comme une dette privée. Autrement dit, ça n'a pas de sens de dire qu'il faut gérer l'État comme un bon père de famille, comme on l'entend parfois. Pourquoi ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on emprunte pour construire sa maison, pour acheter une voiture, nous, on est tenu de rembourser tous les mois une petite partie de ce qu'on a emprunté, auquel on ajoute des intérêts. Hein, tous les mois, je rembourse la partie de une fraction de ce que j'ai emprunté, ce qu'on appelle le principal, et des intérêts, bon, jusqu'à échéance, 10 ans, 20 ans, etc. Pour l'État, c'est un petit peu différent, puisque quand l'État, lui, s'endette, il rembourse la somme qu'il a empruntée uniquement à l'échéance. S'il emprunte sur 10 ans, il va rembourser la somme qu'il a empruntée au bout de 10 ans. Par contre, chaque année, l'État, il va verser des intérêts. Donc vous voyez, il y a une petite différence avec la dette des ménages. Mais quelle est l'implication majeure, tout à fait fondamentale, de cette différence ? C'est que l'État, aujourd'hui, si l'État français, il emprunte, je ne sais pas, 1 million d'euros à rendre dans 10 ans. Donc pendant 10 ans, il va verser des intérêts sur ce 1 million d'euros, qui sont d'ailleurs pas très élevés en ce moment. Et au bout de 10 ans, il va devoir rendre 1 million d'euros. Mais simplement, dans la réalité, qu'est-ce que fait l'État français quand, au bout de 10 ans, il doit rendre ce 1 million d'euros? Ben, il l'emprunte à nouveau. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle faire rouler sa dette. Pourquoi l'État peut le faire et pas le ménage? Parce que l'État, surtout l'État français, a une durée de vie infinie. Ça veut pas dire dans 50 ans, l'État français il sera mort. Tout le monde a confiance dans la solidité de l'État français, ce qui fait qu'on va toujours lui reprêter. Vous, si vous allez voir votre banquier à 95 ans pour faire un emprunt sur 20 ans, il va vous rire au nez. Donc il y a pas, les ménages n'ont pas de durée de vie infinie. Est-ce que ça veut dire qu'un État ne rembourse jamais sa dette? En fait... Cette expression, je pense qu'il faut vraiment la prendre avec des pincettes. Parce qu'en réalité, il la rembourse et il emprunte à nouveau tout de suite derrière. En réalité, l'expression la plus précise, c'est de dire que l'État l'a fait rouler, en fait. C'est-à-dire qu'elle est là continuellement, ça ne pose pas de problème tant que l'État peut encore emprunter. Ce qui peut poser problème, par contre, c'est les intérêts. Si pendant 10 ans, je dois payer des intérêts très élevés, ben ça peut me poser problème. S'ils sont très faibles, ça pose beaucoup moins de problèmes, voire pas de problème du tout. Mais donc, on voit bien que la problématique de la dette publique n'est pas du tout la même que la dette privée. Tant que les taux d'intérêt sont assez faibles, pour un État avec une réputation très solide comme l'État français, ça ne pose pas de problème. La durée de vie infinie de l'État facilite les choses. Et puis, j'ajouterai une chose. Qui est très lié avec cette problématique de dette publique, c'est que l'État, à la différence du ménage, il peut en partie décider de ses revenus. Moi, si je veux doubler mon salaire du jour au lendemain, malheureusement, c'est pas possible. Mais si un État décide, je sais pas, je prends vraiment cet exemple au hasard, de mettre un impôt sur les grandes fortunes, bon, eh ben, il accroît ses recettes fiscales, il a donc moins à s'endetter. Et ça, c'est une possibilité qui est offerte à l'État, hein, le monopole fiscal, on appelle ça, il peut collecter des impôts, des cotisations sociales. Donc, pour conclure, excusez-moi si j'ai été trop long, on ne peut pas regarder la dette publique comme une dette privée. La problématique est différente, les solutions sont différentes. Je crois que cette explication était absolument nécessaire. Une question de René maintenant. Je continue. Quelle est la finalité donc de la dette publique? Donc pourquoi les États s'endettent-ils? Et en même temps, y a-t-il de bonnes et de mauvaises raisons pour que l'État s'endette? Alors, l'État s'endette quand il est en déficit. Être en déficit, ça veut dire quoi? Un déficit public, c'est quand on dépense plus, les dépenses publiques sont supérieures aux recettes publiques. Hein. Voilà, si une année, je fais rentrer 1 million d'euros, mais que en même temps j'en dépense 1,5 million, bah il y a un déficit. Hein. Et donc c'est ce déficit public qui crée de la dette publique. C'est pour ça que les États s'endettent, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de recettes pour couvrir leurs dépenses. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que la dette, c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est difficile de répondre dans l'absolu. Tout dépend de la nature de votre déficit public. D'où il vient, ce déficit public? On peut évoquer plusieurs points. Si c'est des questions de baisse de fiscalité, par exemple. Je peux reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Une des premières mesures fiscales prises par le gouvernement Macron a été de supprimer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, d'introduire un prélèvement forfaitaire unique sur le capital, hein, ce qui revient à diminuer le taux d'imposition des plus riches sur leur patrimoine comme sur leurs revenus. Donc ça a impliqué une perte de l'ordre, pour donner un ordre de grandeur un peu vague, de 5 milliards d'euros par an. Donc, il nous a manqué 5 milliards d'euros par an dans le budget. Il faut bien les trouver ailleurs. Donc on s'endette pour les compenser. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que il aurait fallu conserver ces 5 milliards d'euros. Donc si on s'endette pour financer des baisses d'impôts aux plus aisés de nos concitoyens et nos concitoyennes, là on peut penser que c'est de la mauvaise dette. Maintenant, si on s'endette construire des écoles, construire des hôpitaux, et de manière plus générale, si on s'endette pour investir, alors ça ne pose pas de problème. Hein, ça ne pose pas de problème, c'est économiquement, hein, indépendamment des choix politiques, c'est économiquement une très bonne chose. Personne ne peut vous dire que économiquement, ça ne vaut pas le coup de construire une école. En construisant une école, on va faire des citoyens et des citoyennes mieux formés, mieux éclairés, plus éclairés, etc., des travailleurs plus productifs. Donc économiquement, ça a tout à fait un sens. Et je précise un point. Si on regarde depuis, allez, une cinquantaine d'années, la nature du déficit public en France, on s'aperçoit que le plus souvent, hors période de crise, si on est en déficit, c'est parce qu'on investit. Autrement dit, si j'enlevais les investissements, on serait le plus souvent en excédent. Donc ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que la France s'endette pas pour payer des vacances au soleil à ses fonctionnaires, mais pour investir pour l'avenir. Le plus souvent, le déficit public et donc la dette publique provient d'investissements, alors qui après sont plus ou moins bons, plus ou moins pertinents, mais provient d'investissements. Donc il y a de la bonne, pour répondre simplement à votre question, il y a de la bonne et de la mauvaise dette publique en fonction des raisons qui nous ont poussés à nous endetter. Ça me rappelle ce que disait donc Patrick Artuis, qui commençait son discours en disant « Sur la dette, la France n'a pas eu de budget à l'équilibre depuis 50 ans ». Voilà, maintenant on sait pourquoi et pour lui. René, peut-être une question, ou Quentin? Parmi les mauvaises raisons de la dette, on peut signaler par exemple le CICE, le crédit impôt recherche fait aux entreprises dont on ne voit toujours pas le résultat. Enfin, ça n'a pas été spécialement positif, d'après ce que j'ai pu entendre. Tout à fait. C'est un très bon exemple, hein, le CICE, enfin, qui est un scandale absolu, qui a coûté une fortune au budget de l'État pour des résultats qui sont extrêmement faibles. J'ai pas les chiffres sous les yeux, je le dis de mémoire, hein, mais plusieurs études avaient montré que chaque emploi créé grâce au CICE coûtait de l'ordre de 100 000 à 150 000 euros par an, ce qui est 2 à 3 fois plus cher qu'un poste de fonctionnaire. Et aujourd'hui, on voit que dans les hôpitaux, dans les écoles, etc., on manque de personnel. Donc c'est la double peine. Hein. Non seulement on crée des emplois dont on n'a pas la main sur leur utilité sociale, et en plus ça coûte extrêmement cher au budget. Donc ça fait creuser la dette publique. Tout à fait. La question qu'on se posait également, c'est est-ce que la dette de l'État ne permet pas à certains de ses créanciers d'avoir un avis, enfin, comment dire, une pression? C'est ce qu'on a vu beaucoup à l'époque de la crise grecque. On a vu que, oui, en fait, on a des organisations supra-étatiques qui ont quasi carrément pris le contrôle sur le pays. Est-ce qu'on ne peut pas avoir la même situation dans des pays comme la France où, en fait, à force d'augmenter notre dette, on aurait moins le mot à dire sur notre politique intérieure à cause de nos créanciers? Alors là, pour répondre à votre question, effectivement, il faut distinguer le cas grec ou des pays ailleurs, des pays en développement, etc., et des États comme la France qui sont considérés un peu différemment. Il est très très clair, hein, que pour des pays très pauvres, la dette publique est un instrument de domination très fort que peuvent exercer les créanciers sur la marche du pays. On l'a vu en Argentine, on l'a vu en Grèce, hein, où la perte de souveraineté des gouvernements successifs là-bas, des Grecs, etc., était complètement hallucinante parce que le pays était tenu par les créanciers. Donc ça, effectivement, suivant les conditions dans lesquelles la dette est contractée, elle peut amener à devenir un outil de domination extrêmement fort de la part des créanciers, que ce soit des créanciers publics ou que ce soit des créanciers privés. Alors, pour le cas de la France, cette inquiétude-là, aujourd'hui, n'apparaît pas comme plausible. Pourquoi ? Parce que là, l'État français quasiment se fait payer pour prêter de l'argent. Qui peut paraître surréaliste, mais l'État s'est endetté à des taux négatifs à certains moments ces dernières années. Ça a un peu remonté. Maintenant, personne ne peut dire ce qu'il en sera dans 10 ou 20 ans. Là, vous avez raison. Si dans 10 ans les taux remontent, la situation pourrait être très différente, très différente, et le pouvoir des créanciers sur la marge de manœuvre de l'État français sur les politiques menées sur le territoire national, alors ce pouvoir des créanciers, il pourrait effectivement s'accroître. C'est pour ça qu'on propose, nous, dans l'ouvrage, avec mes co-auteurs Éric Baird, Léo Charles, Jonathan Marie, Alban Pellegris, ce qu'on propose, c'est de financer la dette publique autrement que la façon dont elle est financée aujourd'hui, mais ça peut-être qu'on pourra y revenir plus tard. On peut financer de la dette publique sans se lier les mains avec des créanciers sur les marchés financiers comme on le fait aujourd'hui. Il existe d'autres modes de financement. Alors, il y a une espèce de chantage, quelquefois aussi, à la dette, lorsqu'on évoque régulièrement le rapport de la dette sur le produit intérieur brut. Est-ce que c'est vraiment justifié d'avoir un stock sur un flux, en fait ? Mais, un rapport de stock sur un flux, pardon. Oui, c'est contestable. C'est, de notre point de vue, c'est tout à fait contestable. Alors, évidemment, c'est intéressant de rapporter des grandeurs sur une autre. Si je vous dis que la France a 2 600 milliards d'euros de dette, Bon, moi, personnellement, j'ai beau être économiste, ça ne dit pas grand-chose. Hein. Peut-être que ça dit quelque chose à Bernard Arnault, ce que veut dire 2800 milliards d'euros de dette. Mais moi, malheureusement, ça, c'est une grandeur qui ne me dit pas grand-chose. Donc, ce qu'on fait généralement, usuellement en économie, c'est pas une mauvaise chose, c'est qu'on va la rapporter à une autre grandeur. Enfin, on va la rapporter à une autre grandeur, comme le produit intérieur brut, qui mesure une certaine partie de ce qu'on produit chaque année en France. Et donc, en rapportant la dette publique sur le PIB, on est aujourd'hui aux alentours de 115-120%. Donc, on se dit, c'est terrible, c'est énorme, il faut plus d'une année de production intérieure pour rembourser toute la dette publique. Bon. Certes, dit comme ça, c'est beaucoup. Mais personne ne demande de rembourser d'un coup toute la dette. Ça ne pose pas de problème. Il faut bien comprendre, c'est que avec les traités européens, on ne pouvait pas dépasser 60% de ce ratio dette publique sur PIB. 60% d'ailleurs, pourquoi pas 70 ou 50, c'est pas très clair. En fait, ça témoigne d'un certain arbitraire et ça témoigne aussi de manière plus sous-jacente d'une certaine méfiance, voire hantise à l'égard de la dépense publique et de la place de l'État dans l'économie. Mais pour rester sur ce ratio, ce qu'il faut saisir ici, c'est que l'important n'est pas le niveau de ce ratio dette publique sur PIB, mais l'important est la capacité d'un État à faire face à sa dette. Le Japon est depuis longtemps au-delà de 200%. Hein, 200%, le ratio dette publique sur PIB au Japon, c'est au-delà de 200%. Personne n'est inquiet pour la dette publique japonaise, parce que l'État japonais arrive très bien à rembourser sa dette. Donc cet indicateur qu'on brandit, qu'on entend à la télé, au journal de 20 heures, n'a en réalité que très peu de consistance sur le plan intellectuel. Ce n'est pas une bonne manière de mesurer le poids de la dette publique. Au contraire, nous, ce qu'on propose, c'est d'autres indicateurs, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'indicateur possible. Nous, ce qu'on propose, c'est simplement de rapporter ce que coûte la dette, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les intérêts, ce qu'on appelle la charge d'intérêt. C'est ça que coûte véritablement la dette, puisque les sommes empruntées, on emprunte à nouveau pour les rembourser. Donc ça, ça coûte rien. Ce qui coûte, c'est les intérêts qu'on verse chaque année sur la dette publique, ce qu'on appelle la charge d'intérêt. Nous, on propose de rapporter la charge d'intérêt à la production intérieure, au PIB. Ratio charge d'intérêt sur PIB. On peut aussi rapporter les intérêts aux recettes publiques. Quelle est la part dans les recettes publiques qui est dévolue au paiement des intérêts? Eh bien, figurez-vous que depuis une dizaine d'années, ces deux ratios que je viens de citer, charge d'intérêt sur PIB et charge d'intérêt sur recettes publiques, ces deux ratios, depuis 10 ans, ne font que baisser. Donc, si je résume ma pensée, il faut dire que oui, la France est de plus en plus endettée ces dernières années. Oui, la dette publique a augmenté. Oui, le ratio dette publique sur PIB a augmenté. Mais ça nous coûte de moins en moins cher. Il faut ponctionner de moins en moins de richesses produites pour payer les intérêts, pour payer ce que coûte la dette publique. Donc, on est de plus en plus endetté, mais c'est de moins en moins un problème. Oui, justement... À ce sujet, face à l'augmentation de la dette publique, le rapport Arthuis propose une fois de plus les mêmes recettes, austérité, réduction des dépenses publiques, etc., qui ont démontré leur inefficacité. Alors que précisément aux États-Unis, on fait l'inverse, on se lance dans des investissements publics massifs. Comment pouvez-vous expliquer ce décalage? Mais alors, bon, j'ai une explication, je ne sais pas si elle va vous satisfaire, mais si je me dis que en fait, Arthuis a beaucoup plus d'humour qu'on ne le pense, parce que ça me paraît un petit peu aberrant de préconiser la réduction des dépenses publiques quand on paye la France pour emprunter. Enfin, je veux dire, là, on emprunte à des taux qui sont extrêmement faibles. Rien ne dit que ce sera toujours comme ça dans 10 ans. Donc profitons-en pour faire les investissements publics dont on sait qu'on a besoin. La transition écologique est un chantier énorme. C'est un enjeu majeur du XXIe siècle. Mmh. Il faut profiter de ces taux bas sur la dette publique pour accroître les dépenses publiques, parce que on en a besoin, et c'est le bon moment d'un point de vue financier pour le faire. Enfin, c'est quand même aberrant, alors qu'on est quand même dans une crise sanitaire qui n'aura échappé à personne, de dire qu'il faut réduire les dépenses publiques. Je n'ai pas inventé, nous n'avons pas inventé aux économistes atterrés, le manque de personnel dans les hôpitaux, parfois le manque de moyens, etc. Donc, cette idée-là, vous me demandez comment je l'explique, je pense qu'on peut l'expliquer que d'un point de vue idéologique. Que d'un point de vue idéologique. Économiquement, ça ne tient pas. Il faut être très clair là-dessus, c'est uniquement idéologique. Il n'y a pas de problème de dette publique en France aujourd'hui. Il faut plutôt s'endetter encore parce que ça coûte très peu cher. Mais nous avons, parmi les dirigeants et les dirigeantes, parmi les économistes, des tenants du moins d'État, du moins de dépenses publiques, parce que les dépenses publiques, c'est ce qu'on met ensemble, c'est ce qu'on peut socialiser. Et on a des gens qui sont manifestement attachés à une idéologie néolibérale du chacun pour soi. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre cette idée d'austérité, de réduction des dépenses publiques, alors qu'un pays, comme vous l'avez souligné, hein, qui passe pas exactement comme étant la patrie du gauchisme, a mené des politiques de relance massives dans des temps de crise où la consommation a été un peu affaiblie, et donc on peut attendre que l'État joue son rôle de moteur de l'économie. Alors c'est peut-être le Premier ministre qui doit prévoir l'humour de Patrick Artus, puisque c'était quand même la commande du Premier ministre, enfin de Castex, de refus de hausse d'impôts, de polarisation sur la dette et le déficit, et l'appel à la réduction des dépenses publiques. Il ne perçoit pas l'humour de Artus. Tout à fait, je pense que c'est ça. Mais sur ce point, vraiment, effectivement, dans la lettre de mission, la réponse était dans la question d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on dit qu'on ne va pas augmenter les impôts, on limite vraiment les solutions. Mais ça, je crois d'ailleurs que c'est plus large et en un sens plus grave que ce qui se passe avec ce gouvernement. Mon sentiment personnel, hein, c'est que depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas un seul gouvernement qui a assumé cette belle chose qu'est l'impôt. Il y a eu un moment cette idée de ras-le-bol fiscal dont on se demande d'ailleurs sur quoi elle était vraiment fondée scientifiquement, comme si c'était une idée acquise et partagée. Je trouve que il faut remettre l'impôt, la fiscalité, les cotisations sociales à l'honneur. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement actuel ne fait pas, ni le précédent, mais même des gouvernements qui entendaient se situer sur un autre bord de l'échiquier politique n'étaient pas forcément très courageux sur cette question-là. Et juste pour finir là-dessus, c'est vrai qu'on ne peut pas parler ni penser autour de la dette publique sans parler aussi de fiscalité. L'État a deux moyens pour se financer, soit ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les cotisations sociales et les impôts, essentiellement, soit la dette publique. Donc évidemment, si je supprime des impôts, j'augmente la dette publique. Donc les deux marchent ensemble. C'est pour ça qu'il faut penser la question fiscale et la question de la dette publique dans le même temps. D'accord, vous avez déjà entamé un peu la troisième série de questions. René, peut-être ? Oui, justement. Est-ce que derrière ce choix idéologique, finalement, est-ce que le but n'est pas de réduire la dépense publique pour aller vers des privatisations, toujours plus de privatisations ? Oui, je dirais ça. Je pense que ça va dans le même sens. C'est-à-dire, on peut supprimer des dépenses publiques, mais ce n'est pas pour autant qu'on va supprimer des dépenses. Si on supprime des dépenses en termes de santé, les gens vont pas subitement arrêter de se soigner, simplement ils vont se tourner vers des structures privées. On supprime le système public des retraites, bah, les gens ils passeront par d'autres mécanismes, mais privés cette fois pour financer les retraites. Il y a cette idée hein, qui est très partagée, malheureusement parfois aussi par des gouvernements qui se veulent de gauche, qui est vraiment la doxa au niveau de la Commission européenne, qui est en gros, pour faire simple, que le privé fait mieux que le public. Et donc, de ce point de vue-là, il faut réduire les dépenses publiques, il faut ouvrir à la concurrence, etc. Et donc, cette volonté de réduire les dépenses publiques, quand bien même ça n'a pas beaucoup de sens économiquement, hein, puisque je le répète, aujourd'hui, l'État français s'endette pour presque rien, même si économiquement ça n'a pas de sens, d'un point de vue idéologique, c'est très très fort, l'idée de se dire que une dépense publique, elle est toujours un peu suspecte. Hein, elle est toujours un peu suspecte. Un service public, c'est toujours un peu suspect. Il faut se méfier. Je vous donne juste un exemple que je trouve assez parlant, mais le gouvernement va s'inquiéter de la hausse des dépenses de santé d'une année sur l'autre. Ah, les dépenses de santé ont encore augmenté, on a dépensé plus pour la santé, il faut faire attention. Et d'un autre côté, le gouvernement va se féliciter de la hausse du nombre de voitures d'une année sur l'autre en France, et donc on va dépenser plus pour avoir des nouvelles voitures. Oui, l'idée, on pourrait se réjouir de dépenser davantage pour sa santé, et regretter qu'on dépense davantage pour des véhicules qui marchent essentiellement avec des énergies fossiles. Voilà. On pourrait avoir une comparaison qui est dangereuse, c'est de vouloir comparer, c'est un peu l'image que vous venez de donner, mais vouloir comparer une entreprise où on demande au compte de résultats des bénéfices et un État qui n'a absolument pas vocation à faire des bénéfices. Tout à fait, oui. Oui, on est d'accord. Bon, on voulait passer sur les politiques alternatives qu'on pourrait proposer à ce poids de la dette, on va dire. Dans les exemples qu'on a trouvés, un exemple qui revient souvent, c'est l'exemple du Japon, qui aujourd'hui a proche de 240% de son PIB d'endettement, où en fait la dette ne semble pas être le problème pour les Japonais. Et pourquoi ils se permettent d'être dans cette situation-là, et pourquoi nous, ça nous semble si affreux? Alors, il faut dire que les Japonais sont dans une situation particulière sur un point précis, c'est que la quasi-totalité de la dette publique japonaise est détenue par des résidents, c'est-à-dire par des Japonais, par des gens qui sont résidents fiscaux au Japon. Et donc, finalement, ça demeure une affaire interne. Quand vous avez une dette publique qui est essentiellement détenue par des non-résidents, donc des gens qui sont à l'extérieur de votre pays, la gestion de cette dette publique est plus compliquée d'un point de vue fiscal, et si on veut évoquer des solutions plus radicales, des annulations. Si demain l'État japonais veut annuler sa dette, ça se gérera entre les citoyens, entre ceux qui possèdent de la dette et ceux qui n'en possèdent pas. Si vous êtes un pays avec 90% de votre dette publique qui est détenue à l'étranger et que vous l'annulez, ça peut avoir des conséquences diplomatiques, géopolitiques, qui sont plus délicates. Parce qu'en fait, cette question de qui possède la dette, elle est en réalité assez importante. Parce que pour financer l'État, soit je peux donc prendre aux agents, ménages, entreprises, hein, avec des prélèvements obligatoires, avec des impôts, soit je peux leur demander de me prêter. Et de ce point de vue-là, en France, finalement, on peut se demander s'il n'y a pas eu un basculement ces dernières années, où avant on prenait à certains individus, je reprends l'exemple de l'ISF, ça finissait directement dans les caisses de l'État, ils n'avaient pas le choix. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, en fait, ils nous prêtent. Et donc, c'est à leur bon vouloir. Et c'est moyennant un taux d'intérêt qui, certes, n'est pas très élevé ces dernières années, mais qui pourrait très bien repartir à la hausse dans 5 ou 10 ans. À leur avantage aussi, les prêteurs. C'est totalement à leur avantage. Ils gagnent sur les deux tableaux. On ne leur prend plus. Avant, on leur prenait sans contrepartie. Maintenant, c'est eux qui nous prêtent contre un intérêt. Donc, si vous êtes riche, vous êtes gagnant deux fois. Alors, peut-être une question qui est vraiment importante actuellement, c'est la question du remboursement de la dette, mais aussi de l'annulation de la dette, de la restructuration de la dette. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu la clarté sur cette question-là? Alors, la question l'annulation de la dette publique, c'est vraiment épouvantail pour un certain nombre de dirigeants de politique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une annulation de dette, ça a été fait par le passé, il n'y a pas si longtemps, la France l'a déjà fait. Bon, c'est quelque chose qui peut se faire, hein. Il faut sortir de la sacralité de la dette. La dette, c'est simplement un rapport social entre des groupes d'individus sur lequel on peut souhaiter vouloir intervenir. Donc, l'annulation de la dette publique est une solution qui peut être pertinente dans certains cas, quand la dette, en particulier quand la dette devient insoutenable et qu'on a affaire à des taux d'intérêt qui sont trop élevés, ou quand on va parler de dette illégitime, par exemple, quand vous avez des dirigeants qui ont endetté leur État, mais à des fins personnelles. Hein, si je suis un dictateur à la tête d'un État et que j'emprunte pour me construire un palais, m'acheter des voitures, etc., est-ce que c'est légitime que ma population rembourse cette dette publique? Dans ce cas-là, l'annulation de la dette publique peut tout à fait se poser. Alors évidemment, il y aura des gens qui seront perdants, hein, ceux qui possédaient des titres de dette publique, mais c'est pour ça que c'est important de se pencher sur qui possède la dette publique. Parce que qui seront les perdants? Si les perdants ce seront les 1% les plus riches de la population, par exemple, qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, hein, bah dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment illégitime d'annuler la dette publique? C'est particulièrement vrai pour le tiers-monde, pour annuler la dette publique. Voilà, typiquement, pour le tiers-monde, il y a dans un certain nombre de pays des dettes dont on peut douter de la légitimité quand on voit qu'elles n'ont pas abouti à des investissements réellement publiques, mais qu'elles ont enrichi l'élite locale ou étrangère. Donc là, la légitimité de la dette se pose et du coup, l'annulation est une solution assez pertinente. Maintenant, la question est plus complexe si on considère la dette publique française. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'aujourd'hui, la dette publique française ne pose pas de question de soutenabilité. Il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette publique française aujourd'hui. L'État français n'a aucun mal à rembourser sa dette publique à échéance, à payer les intérêts. Donc la dette publique n'est pas un problème en France aujourd'hui. Si un jour les taux d'intérêt venaient à exploser, si on était pris à la gorge, etc., mettre la question de l'annulation sur la table, ce serait tout à fait pertinent. Aujourd'hui, cette solution qui comporte des coûts politiques, éventuellement diplomatiques assez importants, n'apparaît pas nécessairement comme étant la priorité. Je pense qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui que l'annulation totale ou partielle de la dette publique française. On a parlé, si je peux préciser les choses là-dessus, de la dette française qui était détenue par la Banque Centrale Européenne. Oui, en effet, oui. Alors ça, si je peux dire un mot là-dessus, c'est une particularité. C'est depuis quelques années, la Banque Centrale Européenne, la BCE, rachète des titres de dette publique dans les pays de la zone euro, en particulier des titres de dette publique française. Mais la particularité, c'est que la BCE est détenue par les différents États de la zone euro. Donc autrement dit, les titres de dette détenus par la BCE, c'est un peu comme si je fais un raccourci, on se devait de l'argent à nous-mêmes. Donc on peut se poser la question de leur annulation. Puisqu'on se doit de l'argent à nous-mêmes, est-ce que c'est pas plus simple d'annuler, et comme ça on n'en parle plus, ça n'apparaît pas, ça fait pas gonfler artificiellement le poids de la dette publique? Pourquoi pas? Ça ne pose aucun problème. Hein. Bruno Le Maire trouve ça terrifiant. Bon, ça ne pose aucun problème de le faire. Ça, c'est pas compliqué. Oui. Allez-y. Non, je vous en prie. Donc ça ne pose pas de problème. Simplement, Nous, l'idée qu'on défend plutôt dans ce livre, c'est pas du tout de dire que cette idée est scandaleuse. Elle marcherait. Ça ne pose pas de problème en particulier. Nous, ce qu'on entend dire plutôt, c'est qu'il y a d'autres priorités. C'est que le combat devrait être mené sur d'autres pistes de solutions plutôt que celle de l'annulation des titres détenus par la BCE, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, la soutenabilité de la dette publique ne pose pas tellement de problèmes. On n'a pas tellement de mal à rembourser les titres qui arrivent à échéance. On s'endette à des taux d'intérêt très bas. Donc, nous, ce qu'on défend, c'est plutôt une solution, enfin des solutions pour sécuriser à l'avenir le financement de la dette publique française. Sécuriser, c'est-à-dire ? Alors, aujourd'hui, l'État français s'endette sur les marchés financiers. Quand l'État a besoin de 10 milliards d'euros, le Trésor public va demander aux grandes banques de lui prêter 10 milliards d'euros, et là, bah, c'est à qui fera la meilleure offre, hein, si je simplifie. Donc on s'endette auprès des marchés financiers. Alors aujourd'hui, c'est très bien. Tout se passe très bien, puisque l'État français a une très bonne image, tout le monde est très sûr de sa capacité à rembourser, donc on s'endette à des taux très très bas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème à s'endetter sur les marchés financiers. Mais ça n'a pas toujours été le cas, notamment dans les années 80 et 90, où on a fait face à des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus élevés. Dans des situations de crise comme la Grèce en a connu, les taux deviennent très très élevés. Donc le problème de ce mode de financement via les marchés financiers, c'est qu'on se lie les mains aux grandes banques, aux grandes compagnies d'assurance qui interviennent sur ces marchés financiers, et qu'on devient dépendant des marchés financiers. Nous, ce qu'on propose, c'est de sortir de la dépendance aux marchés financiers en finançant sa dette publique autrement. Et en faisant comment ? Ben, en faisant comme on faisait en France dans les années 50 ou 60. Il n'y a pas d'idée totalement innovante là-dessus, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a fait, c'est quelque chose qui a marché. Et comment on faisait ? Eh ben, l'État français forçait la main, d'une certaine manière, aux grandes banques françaises pour que ces grandes banques prêtent de l'argent à l'État français à un taux d'intérêt que l'État français fixait lui-même. Donc autrement dit, c'est comme si demain on a besoin de 10 milliards d'euros, on dit je voudrais 10 milliards d'euros, la BNP va m'en prêter 5 milliards, la Société Générale va m'en prêter 5 milliards et ce sera à tel taux d'intérêt, ils n'ont pas le choix. L'avantage de ça, c'est que ça sécurise énormément l'État français dans ses possibilités de se financer et dans le coût de ce financement. Hein, dans le coût de ce financement. Pourquoi on le fait pas ? Bah parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Tout simplement. Est-ce que les banques le voudraient ? Je pense que si vous allez voir le président de la Société Générale ou la BNP, je pense qu'il ne serait pas ravi. Mais oui. Ça, peu importe. Hein. C'est des banques qui sont présentes sur les territoires, elles sont soumises aux lois nationales. Il n'y a aucun problème. Le pouvoir politique peut tout à fait le faire. Alors oui, ça va mécontenter les banques, mais bon, disons que c'est quelque chose qu'il faut ensuite assumer politiquement, bien sûr. Mais les banques prêtent déjà, d'ailleurs, aujourd'hui, énormément à l'État français à des taux qui sont proches de zéro, parfois même négatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que elle serait pas très contente, mais ce serait pas dramatique non plus pour elle, parce que prêter à l'État français, c'est un placement extrêmement sûr. Hein, et dans un monde à l'heure du Covid-19 qui est de plus en plus incertain, les placements financiers sûrs, tout le monde en recherche. Et donc les banques ne voient pas d'un mauvais œil le fait de prêter à l'État français, puisque c'est un placement extrêmement sûr. C'est pour ça qu'elles acceptent d'ailleurs de lui prêter à des taux extrêmement faibles. Est-ce que c'est pour cette raison, qu'on terminera là-dessus peut-être, que la dépense publique appartient de plus en plus aux résidents en fait ? Alors, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr de comprendre la question. La dette publique des non-résidents était à 64% détenue par des non-résidents. Elle est à 50% maintenant. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, ça c'est passé relativement inaperçu, mais ça ne vous a pas échappé, que la dette publique française est détenue davantage aujourd'hui par des résidents que par des non-résidents, qui est quand même une bonne chose, hein, parce que ça veut dire qu'il y a des possibilités techniques pour réduire la dette publique en accentuant la pression fiscale sur les détenteurs de la dette publique. Alors, les détenteurs de la dette publique ne sont pas que les plus riches. Vous avez des gens dans la classe moyenne qui détiennent des titres de dette publique, mais si les gens sont sur le territoire national, si les détenteurs sont sur le territoire national, c'est plus facile d'agir que si c'est sur des non-résidents. Après, pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a plus de non-résidents, il y avait plus de non-résidents il y a 10 ans qu'aujourd'hui qui détiennent de la dette publique, je ne saurais pas dire. Par contre, je peux effectivement vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, on va rester sur cette bonne nouvelle et aussi certainement sur un retour de l'État, j'ai l'impression, dans votre discours. Alors, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un peu le bénéfice aussi en un de la crise sanitaire. C'est pas attaque qu'on va te critiquer. c'est de voir qu'on se rend compte du caractère incontournable dans une économie contemporaine de l'État. Qui est-ce qui peut financer des recherches à un niveau très élevé et très vite pour lutter contre le Covid? C'est l'État. Je rappelle que la majeure partie des dépenses de recherche pour trouver les vaccins contre le Covid sont des dépenses publiques au niveau mondial. Qui est-ce qui est capable d'indemniser des intermittents du spectacle, d'indemniser du chômage partiel, etc. C'est l'État. Donc j'espère qu'on reconnaîtra, et notamment certains économistes, que le rôle de l'État dans des situations de crise comme ça est incontournable, et donc raison pour laquelle il faut lui donner les moyens d'agir. En effet, merci beaucoup Arthur Jatteau pour nous avoir éclairé sur un certain nombre de points qui étaient assez nécessaires. La dette publique, c'est pas toujours quelque chose de facile à comprendre et vous avez beaucoup aidé sur ce point. Merci à vous. Oui, merci. Bon. On rappelle qu'on est toujours sur Radio Campus 106,6 et on rappelle aussi que les émissions, même les émissions d'Angle d'Attaque, sont toutes disponibles pendant 2 mois au téléchargement sur le site de campuslille.com. Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'Angle d'Attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'Attaque, tous les 3e samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Physical. c'était Ruiné comme Athènes du groupe Soviet Suprême. Christian, je te laisse enchaîner sur... Eh bien, on va passer aux, à l'émission, on va passer aux, aux différentes activités d'attaque, et il y en a de nombreuses, évidemment. C'est René qui s'y colle le premier. Oui. Alors déjà, au plan national, une pétition. Et si les ultra-riches et les multinationales payaient la crise Covid ? C'est dans le cadre de la campagne « Qui doit payer la crise ?». Cette pétition est en ligne sur le site d'Attaque France. Elle approche déjà des 28 000 signatures. N'hésitez pas à la signer. Oui, c'est une bonne idée. Je crois l'avoir signée, d'ailleurs, en tout cas, il me semble. La gestion de l'argent public doit rester publique. Eh bien, c'est un article d'Attaque, sur le site d'Attaque, qu'on doit à Vincent Drevet, hein, c'est ça ? Drevet, oui, pardon. La gestion de la dette publique suscite peu de débats, mais, sauf à angle d'attaque, bien entendu, dans le monde diplomatique quand même, et puis aussi alternative économique. Mais c'est vrai qu'on essaie d'en parler plutôt légèrement. Et c'est regrettable car il s'agit d'un pendant naturel des questions touchant aux recettes publiques. Or, la gestion et le contrôle de la dépense publique sont confrontés à des évolutions d'ampleur. L'offensive néolibérale, et donc on a parlé d'idéologie dans l'émission là tout de suite avec Arthur Jatteau, l'offensive néolibérale est à l'œuvre sur ces questions-là. Et il semblerait que l'État ne serait pas, enfin le gouvernement plus précisément d'ailleurs, surtout pas l'État, serait plutôt enclin à penser qu'on pourrait vérifier et contrôler l'État par des acteurs privés plutôt que des acteurs publics. Donc, avec une incapacité de sanction, bien sûr, pour les entreprises privées qui seraient nos contrôleurs. Voilà. C'est une tendance encore supplémentaire du néolibéralisme qui est en train de gâcher quand même l'espace public français. Le point suivant, René. Oui. Alors, ONG et syndicats européens appellent à repenser d'urgence le projet de transparence fiscale des entreprises. Alors, jeudi 27 mai, 62 organisations de la société civile, dont Attaque France, bien sûr, et aussi des syndicats, ont tiré la sonnette d'alarme sur le projet obligeant les entreprises multinationales à divulguer, au niveau mondial et pays par pays, où elles payent leurs impôts. C'est ce qu'on appelle le reporting pays par pays. La directive en cours de négociation avec le Parlement européen comporte de graves lacunes qui rendraient cette mesure inutile. Le projet examiné actuellement obligerait certes les multinationales à divulguer leurs paiements d'impôts, mais uniquement ceux effectués dans les États membres de l'Union européenne et dans les pays figurant sur la liste des paradis fiscaux de l'Union. Une liste qui ne comprend pas les paradis fiscaux importants. Ainsi, les paiements effectués dans de larges pans du monde seraient exemptés des nouvelles règles. Cela signifie que les citoyens et citoyennes resteraient largement dans l'ignorance des stratégies d'évitement fiscal de nombreuses grandes entreprises. Les organisations signataires de l'appel ne peuvent soutenir ce texte tiède actuellement sur la table. Nous appelons les États membres et la présidence du Conseil à trouver un accord ambitieux avec le Parlement européen. Le 29 mai, la mobilisation contre Amazon et son monde continue. On ne doit pas être beaucoup aimé par Joseph Bezos en France. À Fournes, à proximité du pont de Gare, 4 mois après le grand rassemblement contre Amazon, un nouvel événement se déroule ce samedi. Ensemble sur nos terres vivantes, place au projet alternatif écologique et sans béton. Sans Amazon et dehors Amazon si ça pouvait le faire. À Montbert, en Loire-Atlantique, pareil, où le collectif Stop Amazon 44 a prévu lui aussi une nouvelle mobilisation contre le projet de la plateforme logistique. Quentin, peut-être ? Le 12 juin, mobilisons-nous pour les libertés et contre les idées d'extrême droite. C'est suite à l'appel paru dans Libération pour les libertés et contre les idées d'extrême droite des syndicats, des associations et collectifs, dont Attaque France, ainsi que des médias, des partis, des responsables politiques, des personnalités du monde artistique et intellectuel, appel à une journée nationale de manifestation le samedi 12 juin prochain. Et au plan local, alors les mobilisations récentes et prochaines auxquelles nous avons participé et participerons Alors, le samedi 22 mai, déjà, rassemblement Place de la République à Lille contre le projet Tropicalia et pour la défense du vivant face aux grands projets inutiles et imposés. Je pense que Tropicalia, que tout le monde connaît maintenant, cette serre, cette aberration de serre tropicale dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin, c'est assez hallucinant. De Montreuil, oui. Oui, Montreuil. On peut signaler que maintenant, il y a un collectif qui, contre Tropicalia, qui s'est créé à Lille. Oui, en effet, oui. Le 22 mai, il y a eu également la deuxième manifestation pour la Palestine, oui. qui succède à celle du 15 mai. 800 personnes étaient présentes sous la pluie. Fallait quand même le sortir ce jour-là, Auquel nous étions d'ailleurs présents. En effet. Et ce samedi 29 mai, alors à Marquis, un beau rassemblement pour bousculer Lamel et ses élus. Une manifestation festive contre le projet de plateforme logistique. Nous y étions déjà le 17 avril dans le cadre de la journée nationale Agir contre la réintoxication du monde. Aujourd'hui, ne pouvant être présents pour cause d'émission, plusieurs militants d'attaque de la métropole ont pris le relais et sont donc là-bas sur place. Une autre manifestation se déroule à Bailleul, aujourd'hui même, contre un projet de méthaniseur. Et elle sera marquée par la présence d'Attaque Flandre. Oui, encore un mot quand même sur le rassemblement contre à Marquilly. Hein, faut savoir que le maire est contre ce projet, mais c'est les maires d'autres villes qui sont pour ce projet. Mmh. Et notamment, il sera question de faire venir non pas Amazon, mais Alibaba, ce qui évidemment change la donne complètement. Samedi 5 juin, une manifestation contre l'élevage intensif et pour des solutions alternatives. Alors là, effectivement, on a appris par une association qui s'appelle Flané, le nombre de projets d'élevage intensif de volailles, notamment de dindons, aussi de dindes, c'est absolument catastrophique pour l'environnement, on le sait parfaitement. Oui, particulier dans les Flandres. Oui, donc il y aura donc cette manifestation le 5 juin, Place de la République à Lille, donc à l'initiative des associations et collectifs Flané, AIVES, FEA Flandre, Au nom de la Terre et L214. Alors de 11h30 à 13h30, il y aura des stands d'information, donc Place de la République. Nous pensons y en être présents, oui. Pour Attaque. Et de 13h30 à 15h, un défilé dans les rues de Lille. N'oublions pas que l'après-midi, c'est très important, c'est l'Assemblée Générale d'Attaque. Oui. Non, pardon. L'Attaque, c'est le 13 juin. Ici, c'est Radio Campus, l'Assemblée Générale. Oui, bah, tout le monde n'est pas convié. Oh. Ah bah oui, bah, on m'a pas convié. Est-ce que vous avez parlé de la manif droit au logement de cet après-midi, 14h30, c'est dans peu de temps, hein, vous avez le temps de prendre le métro et d'y aller. 14h30, Grand Place, me Grand semble-t-il. Place, oui. Oui. On n'a plus qu'une minute, René. La gratuité des transports publics, je te laisse peut-être en parler. Oui, on a pris contact avec l'Université de Lille et quelqu'un qui s'appelle Julie Valin qui sera prêt à nous faire une recherche participative Université Attaque. Et enfin, NADA. Donc nous avons adhéré via le site... et l'OASSO, et un questionnaire a été élaboré pour interpeller les candidates et les candidats aux élections régionales. Ok, on va terminer là-dessus. Oui, on avait le droit de terminer la phrase. Hein. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais faire. Tout à fait. Oui. On réécoute Ruiné comme un thème. Et à bientôt dans les manifs, il y en a de beaucoup en ce moment. Bonne journée. Bonne journée. Par Artemis me v'là tombé de profondis. Si je suis ruiné comme Athènes, donne-moi de ça. Radio Campus Lille, il est